Chapitre 29. L'impasse. Thorn s'avança en longues enjambées vers le chef d'atelier, l'obligeant à lever la tête jusqu'à lui, puis il lui présenta trois des registres qu'il venait de feuilleter. « Ce document-ci, » maugréa-t-il en agitant le premier registre, « reprend le nombre de sabliers fabriqués dans votre atelier pour chaque jour de cette année. » « En effet, » dit le chef d'atelier, « je ne vois pourtant pas ce document-là. » Le coupa Thorn en agitant cette fois le deuxième registre. « Reprend le nombre de liaisons sablier-lit effectuées par Madame Hildegarde cette année également. » « C'est exact, mais je... »« Et ce document, » enchaîna Thorn en agitant le troisième registre, « reprend le nombre de lits illusionnés après avoir été reliés à leur sablier. » « Eh bien ?»« Eh bien ?» Les chiffres ne concordent pas. Quatre sabliers bleus et quatre lits se sont perdus en route, quelque part entre la sortie d'atelier et leur mise en service. « Oh, ça s'explique très simplement, » dit le chef d'atelier qui ne se départit pas de son sourire en coin. « Ce matériel-là doit encore traîner au dépôt. Notre illusionniste envoûte les lits quand il en a le temps, et nous ne vendons pas les sabliers dont les lits n'ont pas encore été traités. » « Vous tenez un registre des lits en attente de traitement, » dit Thorn d'un ton implacable. « J'en ai évidemment tenu compte dans mes additions, et le total ne correspond toujours pas. Quatre sabliers et quatre lits ont disparu de vos stocks. » Pour la première fois, le chef d'atelier parut prendre Thorn au sérieux. Il sortit des lunettes aussi vieilles que lui d'une poche de son tablier et passa en revue les colonnes de chiffres. « Êtes-vous bien sûr de vous ? » demanda-t-il en tournant les pages. « Peut-être que des sabliers se sont cassés et ont été jugés inutilisables. Nous tenons un registre du matériel endommagé. »« Je suis extrêmement sûr. J'ai cherché où s'était exactement produit le décalage dans votre comptabilité et je l'ai localisé à la date de... « 23 mai. Regardez par vous-même, » ordonna Thorn en remettant l'un des registres au chef d'atelier. « Dans le nombre de liaisons des sabliers-lits effectués par Madame Hildegarde à cette date, le chiffre 9 a été rectifié en 5. L'encre est différente. Cette correction a donc été apportée après coup. »« Quelqu'un aurait falsifié nos comptes. » murmura le chef d'atelier, qui ne semblait pas considérer cela possible. « Enfin, voyons, qui ferait une chose pareille ?»« Un collègue, un intrus, vous-même ou Madame Hildegarde en personne ?» énuméra Thorn sans état d'âme. « Cette manufacture est un vrai moulin. Il est à la portée de n'importe qui d'y faire des allées et venues à l'insu des autres. » « Tout de même, chaparder des lits à notre nez et à notre barbe. » Thorn eut un reniflement agacé. « Si vous teniez vos registres correctement, avec des numéros de matricule uniques pour chaque sablier et chaque lit, cette erreur ne vous aurait pas échappé. » Ophélie dévisagea Thorn avec incrédulité. Comment avait-il réussi à déceler une si petite anomalie en si peu de temps? « Le fait est que ces sabliers et ces lits ont quitté votre manufacture après avoir été reliés et avant d'avoir été illusionnés. » Récapitula Thorn. « Notre ravisseur prévoyait de s'en servir uniquement pour expédier des personnes précises vers une destination de son choix. Il aura modifié lui-même le mécanisme des sabliers pour rendre tout retour impossible. » Quatre sabliers, quatre lits, quatre disparus, résuma le baron Melchior. Cela ne dit pas où ils sont, mais nous ne devrions pas avoir d'autres enlèvements à déplorer. Il lissa ses moustaches d'un geste soulagé, comme si Thorn venait de lui annoncer qu'il n'avait plus à craindre pour sa propre vie. Mais comment le ravisseur pouvait-il être sûr que ces sabliers seraient bien dégoupillés? Demanda Ophélie. En offrir un en cadeau. « C'est une chose, être certain qu'il sera utilisé, c'en est une autre. Ce pari-là n'était pas difficile à remporter, affirma le baron Melchior en tapotant sa poche de redingote distendue par son propre sablier. Quand un article devient à la mode ici haut, vous pouvez compter sur les courtisans pour en faire un usage immodéré. Moi le premier. Le chef d'atelier n'en finissait plus de feuilleter le registre falsifié et de le comparer aux autres. Il ne souriait plus tellement. Gelé jusqu'aux os, Ophélie releva son écharpe sur son nez et fit elle-même l'addition de ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Si elle ne tenait pas compte du cas particulier d'Archibald, les disparus étaient sous l'emprise d'une forte anxiété et par conséquent susceptibles de prendre des euphorisants. Chacun d'eux n'avait-il pas demandé asile au clair de lune précisément parce qu'il craignait pour sa vie? Ils avaient tous reçu des lettres de menaces, leur auteur avait très bien pu s'en servir pour oppresser ses victimes. Plus elles étaient inquiètes, plus forte était leur envie de dégoupiller des sabliers bleus. C'était vraiment une manipulation vicieuse. « Pourtant, pensa tout haut Ophélie, j'imagine mal le directeur du Nibelungen utiliser les sabliers. Il leur a fait une horrible publicité et incité ses lecteurs à ne pas en consommer. » « Ce contradictoire, cousin Tchekhov, soupira le baron Melchior avec un sourire doux amer. « Vous le connaîtriez dans l'intimité. Vous sauriez que c'est un acharné de la goupille. Les opposants les plus virulents d'une tentation en sont parfois les plus grands adeptes. » Mais Archibald n'était pas censé être la quatrième cible, rappela Ophélie. « Quand j'ai lu la goupille, j'ai vu qu'il s'était approprié le sablier de quelqu'un d'autre. M'était-il destiné à moi ? » se demanda-t-elle soudain, frappée par cette pensée. Le baron Melchior observa un silence hésitant, puis il poussa un soupir si long qu'on aurait dit que son corps se dégonflait comme un ballon de baudruche. « C'était le mien. »« Le vôtre ?» s'étonna Ophélie. Pour la peine, Thorn s'accorda un haussement de sourcils qui, l'espace d'un bref instant, relâcha ses traits. « Le mien, » confirma le baron. J'avais inexplicablement perdu un sablier bleu à la suite de mon dernier passage au clair de lune. Monsieur l'ambassadeur a dû profiter d'un instant de distraction pour me faire les poches. Il vous a peut-être sauvé la vie, dit Ophélie. Mais pourquoi vous enlèverait-on vous? Le prévôt des maréchaux, le directeur du Nibelungen et le comte Harold avaient tous des positions politiques, eh bien, assez extrêmes. Le baron Melchior eut un sourire sans joie qui ne parvint pas à soulever ses moustaches. « Vous me flattez, mais je ne suis pas le saint homme que vous croyez, mademoiselle la grande liseuse familiale. » Ophélie se remémora le nombre de fois où elle l'avait vu jeter des coups d'œil inquiets derrière lui, comme s'il redoutait d'être attaqué par son ombre. Encore maintenant, il ne semblait pas tout à fait tranquille. « Avez-vous reçu des lettres de menace ?» Le baron Melchior détourna soudain les yeux et Ophélie fut saisie par la solitude qu'elle y surprit à cet instant. C'était exactement la même solitude qu'elle percevait chez Thorn. « Pardonnez-moi, mademoiselle la grande liseuse familiale, malgré tout le respect que je vous dois, je ne peux pas répondre à cette question. » Pour Ophélie, c'était comme s'il lui avait répondu « oui ». Elle voulut insister, mais Thorn l'en dissuada d'un coup d'œil, l'invitant clairement à se mêler de ses propres affaires. L'écharpe d'Ophélie battit l'air comme la queue d'un chat énervé. Pourquoi tout le monde s'enfermait-il à double tour dans ses secrets? N'aurait-il pas été tellement plus simple de se faire enfin confiance les uns les autres? « Faites bien attention à vous, s'il vous plaît, » murmura-t-elle en ignorant la grimace mécontente de Thorn. « Je pense que vous êtes en danger. » Le baron Melchior ramena son regard sur Ophélie, ses moustaches figées par la perplexité. Avec cette distinction extrême qui le caractérisait, il s'appuya de ses deux mains baguées sur le pommeau de sa canne et pencha vers Ophélie un corps rond comme la pleine lune. « Le danger fait partie de notre vie, » lui dit-il solennellement. « Je me bats pour un avenir différent. » Et je crois que vous aussi, à votre mesure et à votre manière, je ne déserterai pas mon poste. De même que vous n'avez pas déserté le vôtre. À nous d'assumer nos choix, jusqu'au bout. N'ai-je pas raison ? Ophélie le considéra en silence dans cette lumière aquatique et elle ne put s'empêcher de le trouver superbe à sa façon. « Pardonnez-moi d'insister, » lui dit-elle doucement, « mais si vous êtes victime de chantage, vous devriez vraiment nous en parler. J'ai moi aussi reçu... »« Cela suffit !» La coupa Thorne d'une voix féroce. « Si monsieur le ministre a une déposition à faire, c'est à l'intendance qu'il l'adressera. » Ophélie se tut un peu choquée et le baron Melchior lui-même parut mal à l'aise. « Pouvons-nous considérer ma sœur hors de cause ?» s'enquit-il doucement. « Au fond, la quantité de sablier bleu avec laquelle vous l'avez surprise ne regarde qu'elle, n'est-ce pas ? Cunégonde a vraisemblablement passé une commande en bonne et due forme, comme n'importe quel client de Madame Hildegarde. « Bien sûr, » s'empressa-t-il d'ajouter en faisant pivoter son corps de toupie vers Thorne, « Monsieur l'intendant pourra les vérifier un par un. » C'est le juge nécessaire. Thorne sortit un carnet de procès-verbal d'une poche intérieure de son manteau. Nous verrons cela. La responsabilité de cette manufacture est officiellement engagée. Peu importe que Madame Hildegarde soit ou non l'instigatrice des enlèvements, elle devra se rendre à la justice dans les plus brefs délais. D'ici à ce que la lumière soit faite sur cette affaire, j'ordonne la mise à l'arrêt de la manufacture, les sabliers, toutes couleurs confondues, seront interdits à la vente et à la consommation, jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure ne va pas vous rendre populaire, monsieur l'intendant, soupira le baron Melchior. Vous allez priver beaucoup de personnes de leur péché mignon. Thorne signa, puis détacha le procès-verbal de son carnet avant de le remettre au chef d'atelier. « Quant à vous, vous allez être placé en détention préventive. »« Moi ?»« Madame Hildegarde est absente et vous êtes son suppléant, » dit Thorne comme si cela expliquait tout. Le vieil homme semblait de plus en plus confus et Ophélie eut un élan de compassion pour lui. Impitoyable, Thorne lui reprit les registres des mains sans ménagement. Il les confia au gendarme Strabik qui loucha dessus en se demandant visiblement ce qu'il était censé en faire. « Ce sont désormais des pièces à conviction. Si Madame Hildegarde veut récupérer ces documents, elle devra introduire une demande officielle auprès de l'intendance. »« Thorne, s'il vous plaît !» N'y tenant plus, Ophélie l'avait tiré par la manche de son manteau pour lui montrer le chef d'atelier. Ce dernier vacillait sur ses jambes, les yeux collés à son procès-verbal, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Ah, vous ! Inutile d'en faire une syncope !» s'agaça Thorne. « Il s'agit d'une ordonnance de détention provisoire, pas d'une condamnation. Vous serez relâché dès que Madame Hildegarde aura été entendue et que l'enquête établira que vous ne compromettez pas la sécurité publique. Si Madame Hildegarde est l'employeur modèle que vous prétendez, elle se rendra d'elle-même à la justice pour prendre votre place. » « Alors ça, » lâcha le chef d'atelier en grattant ses cheveux gris sous sa casquette, « c'est ma femme qui va me tirer les oreilles, tiens. Et mes artisans, ils feront quoi en mon absence ?» Les yeux de Thorne fulgurèrent comme des éclairs. Qu'ils engagent un comptable digne de ce nom et mettent cet endroit en ordre. Pour votre gouverne, vous avez 14 ampoules hors d'usage, 23 lits qui ne sont pas parfaitement alignés dans l'axe de leur rangée, et je trouve aberrant qu'il y ait un nombre de marches différents entre chaque palier de votre escalier. » Ophélie haussa les sourcils. Elle ne savait pas ce qui se passait derrière le vaste front de Thorne, mais il n'était décidément pas dans son état normal. En ce qui la concernait, elle n'eut pas du tout la tête à compter les marches de l'escalier alors qu'ils remontaient tous ensemble vers l'atelier. Son bras blessé replié sur son ventre, elle voulait déjà être certaine de ne pas les dégringoler une seconde fois. Tant qu'elle n'aurait pas découvert qui l'avait bousculée tout à l'heure, elle ne se sentirait pas tranquille. Si toutes les journées de Thorne ressemblaient à celles qu'elle venait de vivre, elle comprenait pourquoi il avait des yeux aussi cernés. Ophélie se sentait toutefois trop anxieuse pour songer à se reposer, et elle fut exaspérée quand, lorsqu'ils furent parvenus au bureau administratif de la mère Hildegarde, Thorne lui désigna, autoritairement, une chaise du doigt comme à une enfant indocile. « Je dois procéder à une inspection approfondie de la comptabilité. Vous ne bougez pas d'ici, vous ne touchez à rien jusqu'à ce que j'ai fini. Quant à vous, dit-il en s'adressant aux gendarmes, confisquez tous les sabliers de l'atelier, y compris ceux en cours de fabrication. » Les gendarmes firent claquer leurs talons ferrés en cadence, tandis qu'ils passaient dans l'atelier, tels des soldats se rendant sur le champ de bataille. Le baron Melchior les suivit en les priant, au nom du ministère des Élégances, de ne surtout brutaliser personne. L'humeur de Thorne était si épouvantable qu'Ophélie ne voulut pas la dégrader davantage. Elle s'assit frustrée et désœuvrée. Un coup d'œil à la pendule lui indiqua qu'il ne restait plus que 18 heures avant que la toile rompît le lien avec Archibald. Ophélie ne savait toujours pas où il se trouvait et elle n'avait plus une seule piste, plus un seul indice. C'était de nouveau l'impasse. Tandis que Thorne épluchait la comptabilité, Ophélie examina la pièce. Elle aurait pu ressembler à n'importe quel service comptable avec ses casiers métalliques, sa caisse enregistreuse et ses 3 téléphones, si elle n'avait pas appartenu à la mère Hildegarde. Chaque espace de rangement s'avéra être beaucoup plus grand qu'il n'aurait dû logiquement l'être. Ophélie vit ainsi plusieurs fois le grand bras de Thorne s'enfoncer jusqu'au coude dans les minuscules tiroirs du secrétaire. Il y avait aussi des natures mortes sur chaque pan de mur, et c'était toujours invariablement des paniers d'oranges. Ophélie n'avait vu chez personne d'autre une telle obsession pour un fruit. « Et moi, son mieux, monsieur ?» bégaya le gendarme Strabique au bout d'un moment. Encombré des registres que Thorne lui avait confiés, il était resté dans le bureau et remuait ses moustaches en guidon comme s'il réprimait le besoin de se gratter le nez. « Vous ne me déconcentrez pas !» grommela Thorne en déposant sur sa pile un tas de carnets supplémentaires. Si Ophélie avait d'abord éprouvé de la gratitude pour ce gendarme qui lui avait tout de même sauvé la vie, il la mettait à présent mal à l'aise. Ce n'était pas ses yeux tordus qui la gênaient, mais la façon dont il la dévisageait fixement, sans bienveillance, comme il aurait observé une créature incongrue sur l'étagère d'un cabinet de curiosité. Ophélie se leva de sa chaise et colla son nez contre la cloison vitrée qui permettait de voir l'atelier depuis le bureau. Conformément à ce que leur avait ordonné Thorne, les gendarmes étaient en train de jeter tous les sabliers de la fabrique dans de grands sacs de toile. Les vieux artisans les regardaient faire sans protester, avec peut-être juste une lueur hébétée dans le regard. Quant au chef d'atelier, il avait déjà des menottes au poignet. Seul Gaël s'agitait au milieu de cette immobilité, frappant sa paume sur une table. Ophélie put distinctement lire sur ses lèvres, tandis qu'elle apostrophait le baron Melchior, le mot « innocence ». Resterait-elle amie après ça? Ophélie avait le sentiment déplaisant de se trouver du mauvais côté de la barrière, comme si c'était la justice la véritable coupable. Les employés de la mère Hildegarde n'étaient-ils finalement pas davantage des victimes que des complices dans l'histoire? Ophélie se tourna résolument vers Thorne, se cognant au passage le genou dans la chaise. « L'intendance est l'actuel propriétaire des registres, n'est-ce pas ?»« Je refuse. » « Pardon ?» La réponse foudroyante de Thorne avait déstabilisé Ophélie. Il faisait défiler à toute vitesse les pages d'un répertoire, mémorisant instantanément la liste de contacts de la mère Hildegarde. « Vous alliez me demander l'autorisation d'exécuter une lecture, » dit-il sans la regarder. « Je ne vous en donne pas l'autorisation. Fin de la discussion. » Ophélie n'en croyait pas ses oreilles. « Pas même si cette lecture peut déterminer l'identité du ravisseur ? Pas même si elle peut sauver des vies et des emplois ?» Thorne ferma un tiroir d'un geste excédé. « Si vous lisiez le registre falsifié, pourriez-vous identifier formellement l'auteur de la dite falsification à la date du 23 mai ?»« Non, » dut admettre Ophélie. « Quand je pénètre dans l'état d'esprit d'une personne, celle-ci me fait rarement l'amabilité de décliner son nom, son visage et la date à laquelle elle est entrée en contact avec l'objet. Mais je peux essayer de reconstituer une identité à partir d'un faisceau d'indices. » Thorne ouvrit un nouveau tiroir et dut pencher la lampe à piston du secrétaire pour pouvoir en voir le fond. Circonspect, il s'arma d'un mouchoir et sortit du tiroir plusieurs oranges moisies qui répandirent aussitôt une odeur abominable. « Avez-vous la moindre idée du nombre de personnes qui ont pu circuler dans ce bureau et manipuler ce registre depuis le mois de mai ? Suis-je censé considérer comme coupable toutes celles dont mademoiselle la grande liseuse familiale pensera avoir reconstitué l'identité ? Vous êtes en train de me proposer un témoignage irrecevable sur le plan légal, répondit-il à la place d'Ophélie sans la moindre patience. C'est d'objectivité et de fait que nous avons besoin en ce moment, pas de suppositions qui nous feraient perdre un temps précieux. Ophélie n'était pas spécialement orgueilleuse, mais elle s'était rarement sentie aussi humiliée. Elle l'était d'autant plus qu'elle savait tout au fond d'elle que Thorne avait raison. Plus un objet possédait des strates de vécu, moins l'expertise était précise. Une goupille de sablier et un registre de comptabilité, c'étaient deux lectures tout à fait différentes, et présentement, des vies humaines étaient en jeu. « Je voulais juste me rendre utile, » dit-elle. « Vous l'avez déjà trop été. Si vous voulez mon avis, il me tarde vraiment que le mariage soit passé et que vous quittiez le pôle avec toute votre famille. » Dans l'atelier, quelqu'un avait dû actionner le poste radiophonique car une voix crachotante se mit à chantonner. « Pourquoi dormir quand je peux danser au bal? Pourquoi me coucher quand je peux jouer aux cartes? Il est épatant. Mon café miracle !» Ophélie sentit une puissante rumeur dont elle ne comprenait pas la nature lui remonter le long du corps. Son ventre se mit à vibrer, ses poumons à enfler, ses tempes à tambouriner, ses yeux à se brouiller. Malgré son nez bouché, elle s'obligea à inspirer profondément pour refouler cette marée montante, mais les digues finirent par céder, et sa voix lui jaillit du corps en un flot incontrôlable. « Il m'est arrivé un tas de choses depuis que vous avez fait de moi votre fiancée. J'ai reçu un nombre invraisemblable de menaces de mort, et presque autant de propositions indécentes. J'ai été séquestrée, travestie, bernée, insultée, asservie, infantilisée, huée, soumise à des manipulations hypnotiques, et j'ai vu ma tante perdre la tête juste sous mes yeux. Pourtant, je n'ai jamais eu aussi peur qu'en cet instant. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour Bérénilde, j'ai peur pour Archibald aussi. Et tout cela, Thorne, c'est à vous que je le dois. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, cesser de vous adresser à moi, comme si j'étais la cause de tous vos problèmes ?» La surprise avait déplié d'un coup les sourcils de Thorne, et sa cicatrice faciale, étirée par ce mouvement brutal, parut sur le point de se briser en morceaux. Ophélie était aussi stupéfaite que lui. Sa voix, ses lèvres, ses mains, ses jambes continuaient de trembler et il lui semblait même qu'une larme était sur le point de lui échapper. Elle n'avait pas la plus petite idée de ce qui était en train de lui arriver, mais elle avait intérêt à se ressaisir sur le champ. Ce n'était pas le moment de faire une scène. Thorne la regardait avec une telle fixité qu'on aurait pu croire que son grand corps s'était bloqué. Seules ses mâchoires s'entr'ouvraient et se refermaient sans un bruit, comme s'il voulait dire quelque chose sans savoir en quoi consistait ce quelque chose. Le gendarme Strabik était si fasciné par le spectacle qu'il ne s'aperçut pas que la pile de registres penchait de plus en plus entre ses bras, prête à s'écrouler à tout instant. Ce fut au milieu de ce silence inconfortable que la voix du présentateur radiophonique résonna depuis la TSF de l'atelier. Cette nuit, dans un sanatorium près de la station balnéaire des Sables d'Opale que la Cité à Ciel survole actuellement. Les infirmières sont sourdes à nos questions, mais nous avons surpris entre elles des murmures inquiets. L'issue de cet accouchement s'annonce plus qu'incertaine. Soyons lucides, mesdames et messieurs les auditeurs, la première favorite du pôle n'est pas aussi fraîche qu'elle a voulu le faire croire, et la façon dont elle a fui la cour n'a trompé personne. Qu'à cela ne tienne, si vous ne venez pas à la cour viendra à vous. C'est que l'événement est d'importance, mesdames et messieurs les auditeurs. Ce bébé, dans l'hypothèse où il viendrait au monde sain et sauf, est le premier descendant direct de notre seigneur Farouk depuis 3 siècles. Sera-t-il promis pour autant un bel avenir? Rien n'est moins sûr quand on connaît l'aversion de notre seigneur pour les enfants. Gardez votre poste allumé, mesdames et messieurs les auditeurs. Petit Potin, votre émission favorite, vous tiendra informé dès que nous en saurons plus. Ophélie s'était levée comme un ressort. Bérénilde était en train d'accoucher. Elle accouchait, et les journalistes se tenaient déjà à l'affût derrière la porte de sa chambre. Thorn retrouva instantanément la possession de ses mouvements et de ses mots. Il ouvrit la porte vitrée qui séparait le bureau de l'atelier, puis s'adressa à l'ensemble des gendarmes. « Réquisitionnez tout ce qui est transportable et préparez un aérostat. Six volontaires resteront ici pour passer chaque centimètre de la manufacture à la loupe. Si vous trouvez quoi que ce soit de notable, un bouton de manchette, une empreinte de soulier, une plume d'oreiller, peu importe, vous télégraphiez au sanatorium des sables d'Opale. Je ne serai absent que le temps strictement nécessaire. » Thorn s'était exprimé d'une voix détachée, presque mécanique. Mais Ophélie ne s'y trompa pas. Il avait compulsivement sorti sa montre à gousset de son manteau et parut se rappeler, après coup, qu'elle était arrêtée. Pour quelqu'un qui n'oubliait jamais rien, cette distraction à elle seule trahissait un grand désordre intérieur. Petit Potin et son sens macabre de la dramaturgie avaient fait leur effet. « Votre passe-partout ? » demanda-t-elle en essayant de calmer les soubresauts de son écharpe. « Aucune rose des vents ne dessert le sanatorium, et passer par le local de la gare ferroviaire nous ferait perdre du temps, » dit Thorn d'un ton catégorique. « L'aérostat est ce que nous avons de plus rapide. Je m'occupe de nous obtenir un sauf-conduit. » Thorn décrocha le téléphone et s'adressa à la standardiste comme s'il s'agissait d'un gendarme sous ses ordres. « Je pars devant, » décida Ophélie. « Contrôle de sécurité ou non, il n'existe aucune loi au pôle qui interdise aux gens de traverser les miroirs. » Elle se dirigea vers la glace murale du bureau et s'appuya des deux mains contre son reflet. Sans trop y croire, elle se concentra sur un miroir de la salle d'attente du sanatorium où elle s'était déjà reflétée. Le miroir ne lui livra pas le passage. Cette destination-là était trop éloignée. Ophélie fut plus déconcertée, toutefois, quand elle perçut la même résistance en cherchant à regagner sa chambre d'hôtel. La citatielle était en train de survoler les sables d'Opale. La distance n'était pas grande à ce point, non ? L'inquiétude montait alors qu'elle s'essayait sur des destinations de plus en plus proches. La salle d'embarcadère des dirigeables, la galerie des glaces près de la Grand Place, la cabine du dernier ascenseur qu'ils avaient emprunté. Elle ne parvint même pas à se rendre dans le miroir du vestibule de la manufacture, à seulement quelques mètres de là, alors qu'elle était certaine de s'y être reflétée en entrant. « Eh bien !» grommela Thorn en raccrochant le téléphone. « Vous êtes encore ici ?»« Je ne comprends pas, » balbutia Ophélie en fixant le visage choqué de son propre reflet. « Je n'arrive plus à passer les miroirs.